Merci Dieu, vous protégez à toute bonne journée, s'il vous plaît. Un petit peu, c'est mon Dieu. Merci beaucoup. Protéger à tous, bonne journée, s'il vous plaît, merci beaucoup.